Sri Punja. La vérité est. Vous êtes l'amour dansant en tant que vacuité. Deuxième partie. Dans la joie pure, toute manifestation est créée comme un jeu divin dans lequel jouer et avec lequel jouer. Tout cela est votre propre création, votre propre soi. Tout être est un seul être. Ce qui apparaît et disparaît n'est pas réel. Jouez dans la manifestation, la lila, et dites « Je suis l'existence ». Si vous dites « Je suis le corps », alors vous dites un mensonge et vous souffrez. Le moi lui-même n'est que conditionnements et désirs. Le jeu individuel est le reflet du vrai jeu dans la piscine sale de l'ego. Abandonnez le petit jeu et ses désirs et sachez que vous êtes celui qui ne dort pas, même lorsque l'ego est dans un sommeil profond. Lorsque le visage du soi est vu par l'ego, l'ego devient cela. Mais lorsque l'ego voit les sens, il devient l'individu confus qui désire les objets des sens. Ne soyez pas perdus et désorientés dans le cycle des renaissances du mental. Tout ce que l'esprit peut concevoir n'est pas cela. Débarrassez-vous de tout ce qui peut être rejeté, y compris le rejet lui-même. Alors, l'esprit sera calme. Et cela ne peut être décrit. C'est l'être, le vide, la vacuité, la plénitude, et c'est la vérité. La vérité ne bouge pas. Elle ne va ni ne vient. La pensée agitée, je, crée un univers entier. Mais la vérité reste immobile. Restez vigilant quant à l'endroit et la manière dont ce jeu surgit. C'est le satsang et c'est votre propre nature. Vous êtes la vérité qui ne bouge pas. Mais si vous dites, du point de vue de l'ego, « je fais », alors vous vous prenez pour le mouvement individuel, pour la vague. Vous renforcez cela en créant un objet et de l'intérêt pour celui-ci. Alors le désir disparaît, et instantanément, vous voulez même une récompense pour l'avoir. Par conséquent, vous allez vers cet objet, puis vous voulez l'acquérir, vous voulez le posséder. Dès que vous le possédez, vous avez peur de le perdre. Car là où il y a deux, il y a toujours la peur de la séparation. Là où la peur surgit, la colère apparaît. La colère s'accompagne de confusion, d'un manque de compréhension et d'un manque de discernement. Lorsque vous ne pouvez pas prendre les bonnes décisions, c'est la destruction totale. Le raccourci vers l'illumination est donc la pureté de l'esprit. Ce raccourci consiste à réduire vos désirs. Les objets de désir ne sont pas source de bonheur. Ils détruisent votre paix et vous enchaînent à la souffrance. Le sentiment d'avoir atteint les objets de ses désirs n'apporte pas non plus le bonheur. Il engendre l'esclavage. C'est l'absence de désir qui apporte le bonheur. Seul le désir perturbe la paix et le repos éternel. Ce désir est la maladie de l'esprit. Vivez sans lui et soyez heureux. Le bonheur est le vrai soi et il est toujours là. La recette pour atteindre ce bonheur est simplement de rester tranquille. Lorsqu'un objet que vous désirez se trouve devant vous, Le bonheur surgit initialement parce que l'intellect est stable, en raison d'une satisfaction momentanée, et retourne à la source, la fontaine de félicité. Le soi s'y reflète, et l'expérience de ce reflet est une joie, car telle est la nature du soi. La félicité ne provient pas d'un objet, elle est le soi. Gardez donc l'esprit stable. Le soi s'y reflétera et y attirera l'esprit. Le plaisir vient du soi. Il est dans le soi et non à l'extérieur du soi dans des objets éphémères. Les objets sont temporaires, mais la félicité ne l'est pas. Vous ne faites qu'un avec cette félicité, et une fois que vous en aurez pris conscience, vous aimerez tout à partir de votre soi comme votre soi. Votre amour sera éternel. Non pour des objets avec leurs noms et leurs formes, mais pour votre soi. Cette conscience vous procure la félicité. Ne portez pas de nom ni de forme, et vous serez heureux. C'est le plaisir du sommeil, et cela transcendera les états de veille, de rêve et de sommeil. Alors, associez-vous uniquement à la paix, à la joie et à la vérité. Lorsque cela deviendra habituel et naturel, cela transcendera les trois états et vous serez transporté dans un état au-delà des états. C'est à vous d'en faire l'expérience ici et maintenant. Alors, quand quelque chose se présente devant vous, demeurez simplement dans la vérité, qui ne bouge pas, et réagissez aux circonstances, quelles qu'elles soient, bonnes ou mauvaises. Réagissez simplement sans aucun concept de possession en vous. Quoi qu'il arrive, restez concentré sur le soi et voyez que tout ce qui surgit est le soi qui s'élève du soi. Le soi n'est pas intéressé par la possession des choses, car le soi est tout ce qui est. Ne réagissez donc pas avec un intérêt pour la récompense ou la possession. Vous serez alors totalement libre. Toutes vos interactions seront motivées par la compassion et la vie sera comme une promenade en voilier poussée par la brise du détachement. Cette brise vient du soi et se produira après la liberté, pas avant. Lorsque vous serez libre, vous devrez quand même vivre, car le monde sera toujours là, mais la vie sera très compatissante. Aimez-vous les uns les autres et n'ayez aucune haine à l'égard de quoi que ce soit. Cela dépend de vous, de la façon dont vous prenez les choses. Et si ce « moi » vient de l'ego ou s'il vient de nulle part? Le jeu de nulle part contient l'univers entier et c'est la compréhension totale elle-même. Seule la préoccupation pour ce qui n'est pas réel vous empêche de réaliser la vérité de qui vous êtes ici et maintenant. Désirez quoi que ce soit d'autre, quoi que ce soit qui va et vient est stupide. Le sage ne fait pas cela. Aimez donc le Seigneur de tout votre cœur. Toute méthode est un obstacle à l'amour, un ajournement de la liberté et une insulte à la paix. N'utilisez aucune méthode, identifiez-vous simplement à cela. De nombreuses méthodes peuvent vous mener à Ananda Maya Kosha, l'enveloppe de félicité, et s'arrêter à ce voile des plus subtils, mais il existe un jouisseur de félicité. La lumière avant l'aube n'est pas le soleil. La félicité n'est pas la compréhension intégrale. c'est le fait de se tourner vers son propre visage. Et c'est la pratique directe pour connaître le soi. Il n'y a ni réalisation ni culture de la nature originelle. Vous êtes conscience, pas cultivateur. Pourquoi travailler pour atteindre ce que vous êtes déjà? Ne réfléchissez pas, ne remuez pas vos pensées en essayant de vous libérer d'un esclavage surimposé qui est la notion selon laquelle vous êtes séparé de l'existence. Vous aboutirez à une liberté surimposée. Le but de toute pratique est le silence, qui est votre vraie nature. Sans silence, vous ne pouvez pas être en paix. Alors ne recherchez que cela. Même lorsque vous êtes actif, restez dans le silence en tant que silence et soyez toujours conscient du silence. L'enseignement principal de Ramana est le silence. Et c'est ce silence qui répond silencieusement à toutes les questions et dissipe tous les doutes. Entraînez votre esprit à aller vers le silence. Comme l'a dit Kabir, gardez votre corps, votre esprit, votre intellect et votre souffle tranquille. Alors la sagesse se mettra à votre recherche. Soyez silencieux en dirigeant votre esprit vers sa source. Le mental dirigé vers l'objet des sens est souffrance. Le même mental doit plutôt enquêter sur sa source. Le moi doit faire face à sa source. C'est là la véritable austérité, la véritable pratique et la véritable méditation. Faites face à l'Atman. C'est cela le satsang, car c'est là votre foyer, la sainte compagnie du soi. La plus sainte association est d'être tel que vous êtes. C'est cela la liberté. Cela dépasse l'imagination. C'est très nouveau et très frais. Alors, restez simplement silencieux. Ne pensez pas. C'est vous. C'est vous. Ne remuez pas une pensée, et si une pensée vient, laissez-la venir. Ne vacillez pas. Ne doutez pas de votre majesté. C'est si simple. Celui qui l'obtient le saura immédiatement. Quand vous êtes silencieux, c'est la beauté, la joie et le calme. Il n'y a pas d'effort à accomplir. L'effort perturbe votre esprit. L'effort revient à jouer avec des cadavres dans un cimetière. Contemplez simplement ce qui est toujours silencieux. Allez à la source. Ne croyez rien. Restez simplement silencieux. Rentrez chez vous et ne vous reposez pas avant d'y être. La paix n'est possible que lorsque le moi est absent. Or, vous avez besoin d'un moi pour pratiquer. Le secret de la félicité est d'arrêter la recherche, d'arrêter de penser, d'arrêter de ne pas penser et de rester silencieux. La meilleure pratique est de savoir qui je suis. Vous êtes Brahman, sachez-le. Si vous voulez faire quelque chose, adorez toujours le soi. La réalisation du soi ne prend qu'une seconde, mais cette seconde demande un effort considérable pour chasser toutes les autres pensées de votre esprit. Vous devez tout éliminer de cette seconde et ne laisser que cette seconde rester avec vous. Dans cette seconde, mettez-vous sur la pointe des pieds et, les poings serrés, criez « Je dois être libre dans 7 secondes ». Il est tellement rare d'avoir un désir aussi extrême de liberté, une activité et une force aussi puissante que même les dieux viendront s'incliner devant vous. cela demande un corps, un esprit et une intention très forts. Alors, cette seconde fonctionnera. Vous devez le faire. Ne vous contentez pas de lire le menu. Mangez les plats. Battez à plate couture l'esprit stupide. Il ne s'agit pas de comprendre, mais d'être. Ce n'est pas le mental qui prend la décision d'être libre, car, quand vous le faites, il n'y a pas de mental. Contrôlez le mental et utilisez-le comme un esclave quand vous en avez besoin. Mais ici, vous n'avez pas besoin de lui pour être libre. Laissez votre mental tranquille. Ne remuez pas vos pensées. La liberté ne dépend ni de la méditation, ni de l'effort. L'esprit sattvique comprendra immédiatement. L'esprit rajasique doit pratiquer et assister au satsang. L'esprit tamasique n'assistera même pas au satsang. L'esprit sattvique est karmiquement pur, toujours en méditation, et n'est pas différent de la liberté. Comme ça monte, ça redescend. Faites un effort et ça monte. Arrêtez vos efforts et ça redescend. Faites votre choix. Soyez un être simple et naturel, sans pensée ni action. À partir de rien, vous pouvez tout faire sans laisser de traces. Sans intention, pas de limitation. Demeurez simplement calme. Ne remuez pas vos pensées. Ne pas activer le mental permet de ne pas s'extérioriser. Il n'y a ni chemin, ni méthode. Restez simplement à l'écart. La révélation du soi ne se produira que lorsque vous n'interviendrez pas. Rester silencieux, c'est donner du temps à cet amour et à cette beauté. Restez tel que vous êtes. Le dharma signifie ne s'accrocher à aucun concept. Donc le dharma suprême est de rejeter tous les dharmas. Si vous rejetez tout, que se passera-t-il? Tous les fardeaux de toutes les religions et de tous les concepts abandonnent votre mental, vous amenant à la paix et à l'amour parfait. Et c'est là votre dharma. À la fin de la sadhana, le gourou confirme que vous êtes libre. Vous n'êtes pas venu à Lucknow pour la liberté, mais pour apprendre que vous n'êtes pas prisonnier. Lors du satsang, vous devez éliminer vos doutes, car seuls les doutes vous empêchent d'être libre. Restez simplement silencieux. Note du traducteur. Lucknow est la ville où était situé l'ashram de Papaji. Fin de la note. Pourquoi s'attirer des ennuis? Ça suffit. Tout est ici. Le bonheur, la beauté, l'amour. Peu importe comment vous l'appelez, tout est là. Tout ce que vous pensez devient réalité, car c'est la conscience, et tout est possible dans la conscience. Vous avez créé toutes ces manifestations, toutes ces vagues dans l'océan. Vous êtes si habile, si vaste, si plein, si complet, si conscient. Vous pouvez créer tout cela. Alors, pourquoi souffrir? Le vide n'est jamais affecté par ce qui apparaît en lui. L'océan ne souffre pas lorsqu'une vague se lève. Il ne souffre même pas lorsqu'une vague retombe. Laissez les vagues danser et laissez-les profiter. Restez simplement ici et ne voyez que l'amour, la beauté et le bonheur. C'est la compréhension ultime. Elle ne nécessite aucune réflexion, aucun processus, aucune méditation. Vous êtes l'infini, l'insondable, l'immensité. Qui pourrait perturber cette immensité? Où pourriez-vous vous enfuir pour ne plus être ici? Vous n'êtes pas limité. Restez simplement tel que vous êtes. Ne commencez rien, n'allez nulle part et n'activez aucune pensée. L'ego dit que cela a de l'importance. Le suprême dit que non. Même le pouvoir de décision ne vient pas de l'ego. Tout est le pouvoir suprême. Ne l'attribuez à rien d'autre, car cela ne fait que renforcer les fantômes. Faites face à l'unique. Pour voir Dieu, vous avez besoin d'un corps, d'un mental, de sens et de tout un attirail. Pour aller au-delà de Dieu, vous n'avez besoin de rien. N'activez pas même une pensée, n'activez aucune énergie, même pour ne pas les activer. La contemplation et l'adoration du soi sont tout ce dont vous avez besoin. Amour, abandonnez-vous au divin et restez silencieux. Sagesse, interrogez le divin et restez silencieux. Sachez que je suis chez moi, je suis la maison elle-même, et regardez sans cesse le soi. Il n'y a rien de plus beau que cet être. Le bonheur de tous les êtres réunis ne représente pas le millionième du bonheur de l'être. La pensée ne peut pénétrer sa pureté. Pas même la pensée du moi ne peut y entrer. Ne pensez pas, ne cherchez pas à comprendre. Restez simplement ainsi. Restez en phase avec la source et toutes vos actions seront justes. Si vous ne le faites pas, vous rencontrerez des difficultés quoi que vous fassiez. L'arrogance de l'ego empêche toute habileté, tandis que sans arrogance, tout est habile. Tout comme l'espace dans une pièce n'est pas affecté par la quantité de meubles qui s'y trouvent, l'espace n'est pas affecté par l'activité, l'esprit ou la pensée. Vous êtes l'espace. Ne touchez pas aux meubles dans cet espace. Ce qui signifie, restez silencieux. Ne réfléchissez pas. N'activez pas vos pensées. Si des pensées surgissent, laissez-les aller et venir. Mais ne vous y attardez pas et ne les laissez pas s'installer. Ne touchez pas à « je suis le corps ». Au contraire, la première et la dernière pensée doivent être « je suis la conscience pure et infinie ». « Je suis l'amour même ». Connaissez la vérité à ce sujet, pas seulement les mots. La vérité est tout ce qui est. Si la nature d'une chose est l'absence, ne vous y accrochez pas. Si la nature d'une chose est la présence, c'est vous, c'est la beauté, l'amour, le soi. Tout le reste n'est qu'imagination. Le pouvoir de l'illusion est puissant. Alors soyez vigilant dans votre jeu joyeux avec les tendances, car lorsque l'on est proche de la liberté, tous les démons se regroupent et attaquent. Continuez à être le soi en méditant sur le soi. Faites-le toujours de manière ludique. Toute apparence a pour fondement la vacuité. Asseyez-vous sur le trône du vide et tout vous appartiendra. Pas de manifestation, pas de liberté. Pas de mental, Telle est la vérité ultime. La vérité ultime est que tout est vide et l'a toujours été. Ce que vous pensez est ce que vous êtes, alors cessez de penser et vous serez ce rien qui est tout. Éveillez et ne possédant rien qui puisse être perdu. Lorsque le mental entre dans le chit, la conscience, le cœur danse et demeure dans la paix et la félicité. Vous êtes toujours dans l'amour et vous ne pouvez qu'aimer vous-même, l'être immuable dans lequel même l'espace existe. Il n'y a ni début, ni milieu, ni fin. Seul l'amour mérite d'être aimé, et c'est votre propre soi. Alors maintenant, ici, regardez simplement. Tout autour de vous n'est qu'un courant de paix. Où vous trouvez-vous? L'essence de mon enseignement est la suivante. J'enseigne ce qui ne peut être atteint par aucun enseignement. Mon enseignement ne peut être enseigné. Je n'ai aucun enseignement à donner sur l'essence d'où proviennent tous les enseignements. Cette essence n'a besoin d'aucun enseignement ni d'aucun non-enseignement, car elle est au-delà de tout. C'est d'elle que proviennent tous les mots. Comme le dirait Bhagavan, ici la vérité est. Choisissez ce que vous voulez.